Exil. Exil, cum lape o aimada, e perduda. Exil, lul zlung cami caladac de Suleza. Ta cara, a Lyon, che s'abalis, e la fugida irremediable d'auten. Exil, la terra rapada la sgrola, la gac d'au passant, che te pibela. Lucrit de la maire a Lyon, che se cala. Exil, e la vida pamen che respedis. En ieu, ta vus en resum che Brasilio, apaziman las pou, los turmen, per me bressa dousamen sur tous sen, dilus darielun, de l'instant che ven. Terre d'accueil. Ses bengutch, cassach per la miseria, cassach per la guerra, esquichat din de bateu, cum bestia desvariada. Ses bengutch, de toutes horizons, eisic de tantes peuples barijats, andalcor, tanta destinada desparieira. Ses bengutch, de toute mediterranea, la lingua vostra era una mescla, un ferre fargazzo d'incluce, de Napoli, Sicilia, Malta o Berberia, de religion n'avess servalus rite, de Nadal, Yom Kippur o Ramadan. Aisis es benguc, e vostri pais es benguc imaginari, aireaum d'utopia. Carriere de la Disse. Din l'umbre des ustals, tras la stampa barada, s'entremesclu historia e memorias. Entre lo resum d'un code fusil de la gnoc e lo primier bramal d'au nouvel nascut. Vese desfila, farandola de caras, d'umbros, de gestes, de cridals. Randum, an de su nase, passa, per acampar las escubillas. Cum ai cindes di la man braseggia. Copabara e charlu, charro disure cantu. Martuna parla suleta e munta la plaça. Ivone balaggia davant les pissarie. La farandola se sbeu di nuten. Mas la carriera se rebiuda. Defens cridu tourna mai. Las portes se dubrissu, se decaro nouvelas. E sur la placetta, lo mondo s'accampa, come sulla branca après la tourada, besen an de gioia regrelia bourres nouvelles.